Chapitre 19. Aux écoutes. Rien n'est certainement plus angoissant que de cheminer sur la pointe du pied, en retenant son souffle, en entendant battre son cœur, dans des couloirs enténébrés et déserts, avec la crainte de voir une porte s'ouvrir et quelqu'un en surgir pour vous sauter à la gorge. Ce fut avec ce sentiment qu'Escander continua sa dangereuse exploration, mais il savait dominer ses nerfs. Frôlant les murs, il heurta une autre porte fermée, tâta, trouva la poignée, la fit tourner doucement et poussa. La porte s'ouvrit. Il était dans le vestibule du château, et sur sa droite, une grande porte vitrée laissait passer une faible lumière nocturne. Mais à l'endroit où il se trouvait, les ténèbres restaient épaisses. Il se tenait immobile, attentif. Le bruit de la respiration d'un être endormi lui parvint, mais rien désormais ne pouvait faire fléchir sa résolution. Il continua d'avancer prudemment, se disant qu'à l'ordinaire, dans tous les châteaux qu'il avait visités, le grand escalier faisait face à la porte d'honneur. Il avait raisonné juste. Il sentit une rampe de pierre, tâta du pied la première marche et monta. Son regard était habitué à l'obscurité, et puis les marches étaient de pierre blanche. Il se rendit parfaitement compte qu'il était arrivé au premier étage. Trois portes s'ouvraient à égale distance les unes des autres, autant qu'il en put juger, sur ce long palier. Il colla son oreille aux trois portes, partout le silence. Sa main se posa sur la poignée de celle du milieu et la manœuvra lentement. L'ombre était devant lui, opaque, profonde, le silence absolu. Il fit briller sa lampe de poche et jeta un coup d'œil autour de lui. La pièce où il se trouvait était d'un luxe inouï. Tout autour des murs, des étagères de bois précieux soutenaient des livres aux riches reliures. À leur base, de larges divans couverts de fourrures magnifiques et de riches coussins s'offraient aux méditations, à la lecture ou au repos. Au centre de cette pièce, une large table d'ébène était encombrée de documents et de cartes. Sur l'un des panneaux s'élevait la hotte d'une haute cheminée sculptée, reproduisant une pagode hindoue. Devant cette cheminée, un divan était posé, près d'un petit guéridon de lac. L'oreille toujours tendue, Escander entendit un bruit suspect. Il alla se cacher dans les épais rideaux d'une haute fenêtre et en rassembla les plis autour de lui. Là, la main sur la crosse de son revolver, il attendit. Trois hommes entrèrent. La lumière électrique brilla. Par la fente qu'il s'était aménagée, Escander, avec un battement de cœur, reconnut Okradazipal et le secrétaire intime Ravana. Après avoir feuilleté quelques documents sur la table, Tokra alla au divan de la cheminée et s'y laissa tomber avec une lassitude tout orientale. Ravana se tenait immobile devant lui. « Je m'ennuie furieusement, Ravana, dans ce triste pays, sans lumière et sans beauté, dans cette inaction déprimante. Un peu de patience, maître. Le yacht vous a déposé seulement avant-hier sur cette côte, et si peu de jours vous séparent encore du triomphe final. Oui, cette fois je les tiens, Ravana. Mon but est atteint. Mon nom va rayonner sur le monde dont je serai l'arbitre. Le maître, si je veux. Mais il faut savoir borner son ambition. L'Inde va recouvrer sa grandeur et sa liberté. Nos dieux vont retrouver les honneurs qui leur sont dus. C'est eux qui m'ont désigné pour cette besogne, et mes peuples chanteront ma gloire. Vous serez le saint parmi les saints, aussi grand que notre grand Kartikeru qui brandit les foudres de la guerre. As-tu des nouvelles de là-bas ? Oui, maître, bien qu'imprécises. On nous signale d'importants mouvements de troupes dans le Deccan, partout dans l'Inde, à Mysore, Nizam, Baroda, en Birmanie. De grands navires arrivent journellement dans le golfe du Bengale. Les mêmes mouvements sont remarqués dans les possessions françaises, où ont lieu aussi des manœuvres dont le sang s'échappe encore à nos espions. Laissons-les faire, Ravana. Les arguments que tu connais les convaincront bientôt que là où Tokra a dit « je veux », il faut obéir. Il garda une minute de silence, puis « Combien avons-nous d'avions prêts à entrer en campagne ?»« 250 mètres. Nous en aurons un millier dans quelques mois. »« Tous pourvus de la matière ?»« Tous. C'est assez pour détruire la moitié de l'Angleterre en 6 heures, par le feu ou par le froid. »« As-tu des réserves de cristal au pire ?» « Non, maître. Il faut en constituer un stock. Cet homme qui le produit peut disparaître ou ne plus vouloir en fabriquer. Je suis étonné que tu n'aies pas encore surpris son secret. » « 20 fois j'ai essayé, maître, mais il n'a écrit aucune formule. Il garde tout cela dans sa tête, et quand il travaille, il s'enferme derrière les portes de fer qui ferment ses laboratoires. on ne peut en toucher une sans qu'il en soit averti par je ne sais quel diabolique moyen. J'ai fait porter des fragments à Paris, à Londres, à Berlin. Aucune réponse n'a été satisfaisante. Nous pouvons bien produire la matière, mais nous ne savons pas lui donner son pouvoir. C'est en tout dernier lieu qu'elle l'acquiert quand il l'a mise trempée dans les bains. Ce secret-là, nous n'avons jamais pu le surprendre. Un jour qu'il a deviné ce que je cherchais, il m'a dit « Si vous arrivez à pénétrer de nouveau dans mes laboratoires, je disparaîtrai, et le monde est grand. » Il y eut un silence, puis, de sa voix douce, insinuante, le secrétaire intime reprit « Maître, il y a les tortures. » « Oui, nous verrons, quand nous serons là-bas. J'ai fait préparer dans les sous-sols de la pagode de mon palais des laboratoires et une petite usine pareille à celle qui est installée ici, mais tout cela n'est pas encore au point. Il faut qu'il soit là pour tout achever. Mon intention est de l'emmener. Fais-le venir. » Ravana s'inclina, comme chaque fois qu'il recevait un ordre, puis il disparut une seconde pour revenir, accompagné de Jacques Lambert. Celui-ci, en voyant Okra, salua, mais tout dans son attitude était agressif. « Eh bien, monsieur Lambert, fit avec une nonchalance affectée Okra Dazipal, vous faites méchante mine, qu'avez-vous ? » Cette question s'accompagnait d'un sourire d'une amabilité extrême, mais le regard gardait toute sa cruauté féline. Comme il était placé, sous la froide crudité de la lumière tombant du plafond, le visage de Okra, éclairé d'en haut, paraissait plus long. Les yeux, au fond de leurs orbites, avaient de fugitifs éclairs, et cet homme, tenant ses mains chargées de bagues posées sur ses genoux, semblait l'un des mille dieux qui, environnés des ténèbres bleues des temples hindous, poursuivent le rêve dont l'artiste a animé leur front ou la fixité de leur regard. « Si c'est sincèrement, Altesse, que vous me demandez ce que j'ai, je vais avoir l'honneur de vous le dire. »« Dites !»« Quand je vous ai vendu le secret du cristal au pire et que j'ai consenti à en fabriquer autant que vous en avez voulu, j'ignorais l'usage que vous en feriez. » Alors ? Alors, l'ayant appris, par cette jeune fille qui est notre otage. Par elle, j'ai résolu de ne plus prêter la main à vos crimes, et désormais, dût-il m'en coûter la vie, je n'en fabriquerai plus. Tout le sang, toutes les larmes versées crient contre moi. Vos propres victimes sont moins éloquentes, dit froidement Okra. Souvenez-vous cependant qu'elles sont assez nombreuses, une dizaine au moins. Pourquoi ne se joignent-elles pas aux miennes? Je pourrais, monsieur Jacques Lambert, vous livrer pieds et poings liés à la police de votre pays, si je ne risquais pas moi-même d'être découvert. J'aime mieux. Oui, je pourrais, si j'en avais la moindre envie, vous arracher votre secret. Nos bourreaux, croyez-moi, sont beaucoup moins expéditifs que le vôtre, et ils possèdent une science tellement profonde que je les crois capables de reculer encore les limites mystérieuses de la souffrance physique humaine. C'est, par Indra, si vrai, que je les ai vus maintenir dans leur supplice un serviteur félon pendant 48 heures. Il en est sorti vivant encore, mais fou. Cependant, c'était un Asiatique, ils sont durs à la douleur. Vous ne résisteriez pas. Escandeur vit frissonner Jacques Lambert. Croyez-moi, monsieur Lambert, montrez de la bonne volonté. J'ai besoin que vous doubliez la production du cristal au pire, et je compte sur vous. Allez, et n'oubliez pas que le jour prochain où je me séparerai de vous, je vous compterai une somme de 6 millions. Sur un signe de Ravana, Lambert quitta la pièce, maté, impuissant. Quand Ravana revint, Okra, avec un sourire, lui dit « Cet homme ne paraît pas jouir d'une forte santé, Ravana. Je ne donnerai pas une roupie de sa vie. » Sur cette plaisanterie, le Raja eut un petit rire. Escander, derrière son rideau, se demanda sérieusement s'il n'allait pas lui sauter dessus, lui mettre son revolver sous le nez et l'entraîner au dehors, ou Verdeau et lui le ramèneraient à Paris. Ah, certes, ce serait là un fameux reportage, un coup dont on pourrait tirer gloire. Déjà, sa main se portait au rideau pour l'écarter, mais Okra se leva, il était trop tard. D'un pas lent, qui ne manquait pas de majesté, il sortit accompagné par Ravana. Un serviteur derrière eux tourna le commutateur, la lumière électrique s'éteignit, et Escander poussa un long soupir de satisfaction.